Bah vas-y, vas-y. Va avec tes copains, va faire des conneries. Va jouer au gangster, allez, va jouer au gangster. J'en ai marre, j'en peux plus. J'en ai marre de répéter la même chose, j'en ai marre de dire ce qu'il faut faire. Il veut aller jouer au gangster ? Bah qu'il aille jouer au gangster.